Chapitre 3. Condamné à mort. Eh bien, pourquoi non? Les hommes, je me rappelle l'avoir lu dans je ne sais quel livre, où il n'y avait que cela de bon. Les hommes sont tous condamnés à mort, avec des sursis indéfinis. Qu'y a-t-il donc de si changeant à ma situation? Depuis l'heure où mon arrêt m'a été prononcé, combien sont morts qui s'arrangeaient pour une longue vie? Combien m'ont devancé qui jeûne, libre et sain, comptez bien aller voir tel jour tomber ma tête en place de grève. Combien d'ici là peut-être qui marchent et respirent au grand air, entrent et sortent à leur gré et qui me devanceront encore. Et puis, qu'est-ce que la vie a donc de si regrettable pour moi? En vérité, le jour sombre et le pain noir du cachot, la portion de bouillon maigre puisée au baquet des galériens, être rudoyé, moi qui suis raffiné par l'éducation, être brutalisé par des guichetiers et des gardes chiourmes, ne pas voir un humain qui me croit digne d'une parole et à qui je le rende, sans cesse tressaillir de ce que j'ai fait et de ce qu'on me fera. Voilà à peu près les seuls biens que puisse m'enlever le bourreau. Ah, n'importe, c'est horrible.